ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de l'islam d'Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qui est Jundub ibn Junadah, ce compagnon de la tribu de Ghifar. Abdullah ibn Abbas était assis avec ses amis et il leur a dit: voulez-vous que je vous raconte l'histoire de l'islam d'Abu Dharr? Cette histoire, elle est dans le Bukhari et Muslim. Celle qu'on va raconter, c'est celle de Bukhari, rahimahullah. Quand la nouvelle a atteint Abu Dharr al-Ghifari de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: monte sur cette monture et va sur cette plaine et informe-moi sur cette personne. Il lui a dit: celui qui prétend être un prophète, que des nouvelles lui viennent du ciel, écoute de ses paroles, puis viens me voir. Il est arrivé, le frère d'Abu Dharr, il a entendu ses paroles. Puis, il est retourné voir Abu Dharr al-Ghifari. Il lui a dit: je l'ai vu. Il ordonne les hautes moralités. Et il dit des paroles qui ne ressemblent pas à de la poésie. Il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a écouté de ses paroles. Il est revenu, il a dit, il appelle aux bonnes moralités des paroles qui ne ressemblent pas à la poésie. Pourquoi il dit cela? Car on voit dans la version de Muslim que quand il est arrivé à Mecca, les Quraysh disaient de lui que c'est un fou, c'est un devin, que c'est un poète, que c'est une personne à qui on a enseigné, il ne fait que répéter ce que les autres ont dit. Il lui a dit quoi? Il dit des paroles qui ne ressemblent pas à la poésie. Il dit: je connais bien la poésie arabe. Wallahi, j'ai écouté, ça ne ressemble pas à de la poésie ce qu'il a dit. Dans la version de l'imam Muslim, il a envoyé après lui un autre frère, parce que ça ne lui a pas suffi, les nouvelles qu'il a ramenées. Donc, Abu Dharr, après avoir envoyé ses deux frères, ça ne lui a pas suffi. Il n'a pas eu les détails qu'il voulait. Il a dit: je vais aller voir moi-même. Il a pris des provisions. Il est monté sur sa monture, direction Mecca al-Mukarrama. Arrivé à Mecca, il a été à la mosquée sacrée, cherchant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas trouvé. Et il ne le connaissait pas, il ne savait pas qui il était, comment il était. Il a dit, il a détesté demander après lui, jusqu'à que la nuit arrive. Ali ibn Abi Talib, il l'a vu. Il a vu que c'était un étranger. Il a dit, quand il l'a vu, il l'a suivi. Et il n'y a aucun des deux qui demande à l'autre quoi que ce soit jusqu'au matin. Puis il a été à la mosquée avec ses affaires. Et il est resté toute la journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas vu jusqu'à la nuit. Il est retourné à l'endroit où il dort. Ali est passé encore à côté de lui. Il lui a dit: n'est-il pas venu le moment à la personne de savoir où il descend, où il est venu? Il lui a pas dit directement: qu'est-ce que tu veux? Il lui a fait un sous-entendu. Il l'a levé, il est parti avec lui. Il n'y a aucun des deux qui demande des détails à l'autre. Comme ça pendant 3 jours. Dans la version de Ubadah ibn Samit, on voit qu'il est resté 1 mois. Sauf que Ali, radiallahu anhu, l'a vu que les 3 jours. Quand c'était le 3e jour, Ali, radiallahu anhu, est revenu le voir. Il lui a dit: pourquoi ne me dis-tu pas qu'est-ce qui t'a amené ici? Dis-moi la vérité. Il a dit: d'accord. Je te dis, mais à condition que tu me donnes un pacte, que si je te dis pourquoi je suis venu, tu me diriges, tu m'aides à trouver ce que je veux. Donc il lui a dit la réalité pourquoi il est venu. Il dit, je suis venu écouter cette personne qui prétend être un prophète. Alors Ali lui a dit, c'est la vérité. Et c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il a dit, si c'est le matin, de bon matin, si je vois quelque chose qui fait peur, je vais me lever comme si j'avais envie de faire mes besoins. Ou bien, je vais faire comme si je suis en train de réparer ou de faire mes lacets. Dès que je vois quelque chose, tu vois que je m'arrête, c'est qu'il y a un problème. Tu t'arrêtes de me suivre, tu te caches. Il a dit, dès que je me relève et je marche, tu me suis. Jusqu'à ce que tu entres là où je vais entrer. Il l'a suivi jusqu'à ce qu'il est entré voir le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré derrière lui. Il a entendu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré en islam, direct, sur place. Il a dit, retourne à ton peuple et annonce-leur la nouvelle jusqu'à ce qu'un ordre te vienne de ma part. Abu Dhar, il a dit, Wallah, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main. Je vais me lever, je vais crier au milieu de tous les Quraysh. Il est sorti jusqu'à qu'il est arrivé à la mosquée. Il est parti à la mosquée sacrée. Et il a dit d'une haute voix, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Tout le monde s'est levé, lui a sauté dessus. Ils l'ont tapé jusqu'à qu'il soit tombé, jusqu'à ce qu'il soit devenu rouge tellement ils l'ont tapé. Il est arrivé là-bas, il s'est plongé sur lui, il l'a sorti. Il lui a dit, mais malheur à vous, vous savez pas que lui vient de Rifar et que ça c'est votre chemin vers la Syrie, vers vos, pour les commerçants. C'est-à-dire si vous allez passer par là-bas, la tribu de Rifar, ils vont prendre toutes vos caravanes. Alors quand ils ont entendu ça, ils l'ont laissé. Le lendemain, Abu Dhar, il est revenu, il a refait la même chose. En pleine mosquée, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ils lui ont ressauté dessus, ils l'ont tapé jusqu'à qu'il est devenu rouge. Et l'Abbas, il est venu encore une fois le sauver de leurs mains. Ça, c'est la version de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Dans la version de Muslim, il a envoyé deux frères, l'un après l'autre. Donc ça, c'est arrivé après que plus de 2 années soient passées de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَكَانَ حِينَ ذَاكَ عُمُرُ عَلِي إِثْنَا عَشَرَةَ سَنَا. Et à ce moment-là, Ali ibn Abi Talib n'avait que quel âge ? 12 ans. Et Abu Dhar al-Ghifari, il avait une saine nature. Dans la version de l'imam Muslim, on voit que pendant 3 années, il faisait la prière comme ça, pour Allah. Il priait pour Allah, il ne savait rien. Personne ne lui avait rien dit. Et quand on lui demanda dans quelle direction il faisait la prière, il a dit, je me dirigeais là où Allah il me dirigeait. Il ne savait pas. Non. Et Ali ibn Abi Talib, il était très intelligent pour 12 ans. Il avait le souci de transmettre le message de l'islam. Donc Abu Dhar, on voit aussi qu'il est très intelligent. Il n'a pas informé pendant, dans une version 30 jours, et là dans cette version 3 jours, le pourquoi il est venu. Car il était en danger. Car à cette époque-là, l'islam était en danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était caché. Ils étaient poursuivis, martyrisés, méprisés et torturés pour leur religion. Cette histoire, elle montre l'état de peur dans lequel ils étaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le peu de croyants qui l'ont suivi. Ne croyez pas que l'islam il est venu comme ça facilement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu, ils lui ont dit Allahu Akbar, marhaba. Non. La peur, les insultes, les critiques, les coups. Il y en a qui sont morts au nom de l'islam. Ils se sont fait torturer jusqu'à qu'ils soient morts. Al-Khabbab ibn al-Arat. Ils l'ont pris, ils l'ont mis le dos sur des braises brûlantes, jusqu'à que ce soit l'eau et la graisse de son dos qui ont éteint le feu. Ça, ça ne l'a pas sorti de sa religion. Il a patienté. Malgré ça, quand il est venu voir un prophète, il a dit, pourquoi ne fais-tu pas des invocations pour nous au messager d'Allah? Pourquoi ne demandes-tu pas l'aide d'Allah pour nous? Le prophète sallam savait que ce n'était pas le moment et que ça, c'est une étape par laquelle tout le monde doit passer. Et il lui a dit qu'avant vous, il y avait des gens. Il dit, on mettait quelqu'un dans un trou, on le coupait en deux. Et ça ne le faisait pas revenir dans de sa religion. Il y en a, comprenez, avec des peignes de fer, on lui arrache sa chair. Et ça ne le faisait pas laisser l'islam. et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, vous êtes pressé. Après, il lui a donné le bishara, la bonne nouvelle. Wallahi, Allah va compléter cette affaire, cette religion. Il va l'accomplir jusqu'à ce que la femme, elle voyage entre Sana'a et Hadramaut. Elle n'a peur que du loup pour son troupeau. Et Allah, tabarak wa ta'ala. C'est-à-dire, la sécurité va être répandue. L'islam, il va être partout. Dans un hadith qu'il a dit à sa fille Fatima, Wallahi, cette religion va entrer dans toute maison, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Ça va honorer celui qui va l'accepter et rabaisser celui qui va la refuser. Non. Donc, c'était la peur. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à ses compagnons, non, c'est la peur, non, on est en faiblesse, non, ne montrez pas votre islam, non, ne dites pas que vous êtes musulmans, non, ne venez pas à moi apprendre l'islam. Il les a enjoints de patienter et de subir et d'accepter. Non pas comme des gens aujourd'hui, il faut laisser certains ordres de l'islam parce qu'on est faible. Regardez comment ils étaient faibles. Mais malgré ça, ils n'ont pas laissé un poil de leur religion. Ils étaient prêts à sacrifier pour l'islam. Dans la version de Ubadah ibn Samit, il est resté 30 jours et il n'a bu que de l'eau de Zamzam. Il n'a rien bu ni mangé quand ses provisions sont finies. Jusqu'à qu'il ait des bourrelets. Rien qu'en buvant Zamzam, il a eu des bourrelets, des plis sur le ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Zamzam, c'est une nourriture et c'est une guérison contre les maladies. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne à ton peuple et laisse ça en secret jusqu'à que je t'informe. Et il est revenu à Abu Dharr et il a prêché son peuple, son frère Unayse est entré en islam, leur mère et la moitié de la tribu de Rifa. Et il a voulu prendre la religion avec poigne. Il n'a pas voulu prendre la facilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. Il lui a dit tais-toi, ne dis rien, retourne à ton peuple. Lui, quand la douceur de la foi, elle est entrée dans son cœur, il ne voulait pas se taire. Il voulait prendre cette religion avec force, avec poigne. Et il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a dit ça que pour le protéger. Donc il s'est levé en plein milieu de l'Masjid al-Haram. À l'époque, c'était que des statues et des Quraysh. Et il a dit, « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. » On voit dans cette histoire que l'homme doit chercher la vérité. Doit toujours être à la recherche de la vérité. Regardez, si la personne elle dit non, je suis sur la religion de mes parents, ça suffit. Mes parents ils connaissent, je fais comme eux. Aujourd'hui les gens ils veulent pas bouger leurs habitudes. Ils ont appris des choses comme ça par héritage, même si tout est mélangé. L'islam qu'aujourd'hui les gens pratiquent, malheureusement, c'est un islam mélangé. Entre l'islam, les habitudes, les coutumes et même certaines adorations. Certaines croyances, elles viennent même des autres religions. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et il ne veut pas se corriger, et il n'aime pas les réformateurs. Quelqu'un qui vient pour réformer, c'est un shaitan, c'est un ennemi. Dès qu'il dit quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, ça y est, c'est la guerre. C'est ce qu'on a fait au prophète, alayhi salam. Ils ont dit au prophète, t'es mieux que ton père, t'es mieux que ton grand-père. Ton grand-père et ton père, ils étaient sur la même religion que nous. Aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe. Quand on dit à des musulmans, voilà le Coran, voilà la Sunna, voilà comment l'islam. Lui, tu dis, ah, qu'est-ce que tu connais, toi? Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils sont dans un pays musulman. Ici, là, en France, tu nous apprends l'islam. La preuve, elle est dans le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est pas dans les actes que ton père, il a pu faire, ou ton grand-père, ou ton arrière-grand-père. La personne, barakallahu fikum, il doit toujours être à la recherche de la vérité. Toujours se remettre en question. Toujours être prêt à laisser tout pour la vérité. Même si il a son clan, toute sa famille, elle va se lever contre lui. Pour la vérité, il supporte cela. C'est ça le chemin des prophètes. C'est ça le chemin de la sauvée, de la réussite. Non pas de quoi d'être conformiste. Laisse-nous. Pourquoi on va faire des problèmes? Dis comme tout le monde. Tout le monde dit quelque chose, on dit pareil. Malèche. Là, la vérité, c'est plus cher que tout. Plus cher que toi. Plus cher que moi. Plus cher que toute chose. Subhanallah. Tes propres parents, que tu aimes, s'ils sont dans une mauvaise religion, est-ce que tu dois leur obéir? Pour dîn. Non. Tu dois suivre le haq. Pourtant, ça va faire des problèmes dans ta famille quand toi tu vas suivre l'islam et eux ils sont dans une autre religion. N'est-ce pas? Ils vont peut-être te faire la guerre. Te sortir de chez toi. Dans certains pays, il y en a qui se font tuer. S'ils deviennent musulmans, ils le tuent. Allah t'a créé pour ça, pour chercher la vérité et de pratiquer la vérité dans ta vie. Même si je t'aime beaucoup, tu es très proche de moi, je ne veux pas te faire de mal, mais l'amour du vrai, il est plus cher pour moi que ton amour. C'est ça notre chemin. Barakallahu fikum. Comme il a fait Abu Dharr al-Ghifari, rahimahullah wa radiyallahu anhu. Il supporte les difficultés. Ne crois pas tu vas chercher la vérité, tu vas suivre la vérité, tout est facile. Il a envoyé deux frères, ils ont voyagé. Puis il a été lui-même. Il est resté 30 jours. Tout ça pourquoi? Pour chercher la vérité. En plus, dans une période et dans un endroit qui était dangereux. Il est arrivé à Mecca. Tout le monde est contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il dit pourquoi il est venu, regardez ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tapé, ils ont failli le tuer. Si l'Abbas, il n'est pas venu le sauver, ba'd Allah subhanahu wa ta'ala, après Allah tabarak wa ta'ala. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rentre directement, elle touche les cœurs. Et son frère, il a reconnu. Il a dit, je connais la poésie. C'est une parole, j'ai jamais entendu une parole comme ça. Je sais pas c'est quoi. C'est pas de la poésie, c'est pas de la sorcellerie. Comme on voit dans l'histoire aussi de Tufayl al-Dawsi. Tufayl al-Dawsi, de la tribu de Daws. Qui peut me dire qui était de la tribu de Daws? Quelqu'un de très connu. Abu Huraira radiallahu anhu. Qui l'a appelé vers l'islam? C'est Tufayl al-Dawsi. Tufayl al-Dawsi, il est venu, ils ont tellement parlé sur le prophète alayhi salam en mal. Ils ont tout dit sur lui. Menteur, sorcier. Tellement ils ont sali son image qu'il a eu peur. Il a mis du coton dans ses oreilles. Il a dit, subhanallah, je ne veux pas l'écouter. Il va m'ensorceler, Adam. Ils ont dit, attention, Rudbal, n'écoute pas, il va t'ensorceler, Adam. Après, il a réfléchi, il a dit, mais subhanallah, moi je suis quelqu'un d'intelligent. Je connais la poésie arabe, je connais qu'est-ce que c'est de la sorcellerie. Je vais écouter et je vais voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et il est retourné lui aussi. Il a appelé la tribu de Daws. Parmi ceux qui sont entrés en islam, il y a qui? Abu Huraira, radiallahu anhu, et il est venu rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madinah, et il est resté avec lui tout le temps, pendant très peu de temps, mais il est resté avec lui tout le temps, et combien de hadith il nous a transmis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui, pour Abu Huraira, pour qu'il n'oublie pas. C'est pour ça qu'il a appris beaucoup plus que les autres. Il dit, quand vous étiez dans vos marchés, vous étiez en train de travailler, moi je mettais une pierre sur mon ventre, j'avais faim pour rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre le hadith. J'avais tellement faim que je faisais des crises d'épilepsie, je me tordais par terre, les gens ils croyaient que je faisais une crise, ils mettaient leurs pieds sur mon cou. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour Abu Huraira et sa mère. Et il a fait dua que tout croyant, il aime Abu Huraira. Et que tous ceux qui n'aiment pas Abu Huraira, c'est pas des bons croyants. Ça répond au Rafida, au Shia qui n'aime pas Abu Huraira, disent que c'est un kafir. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Abu Huraira, celui qui n'aime pas, c'est un munafiq. Vous imaginez ça? Nous, on se doit d'aimer tous les sahaba, tous les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, et les respecter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné d'aimer ses compagnons et de les respecter et de ne jamais parler en mal. C'est ça le chemin. Les gens de la sunna et du consensus, barakallahu fikum. Donc regardez, Tufayl al-Dawsi, pareil, il est venu, il a prêché Abu Huraira, radiallahu anhu. On voit aussi dans cette histoire que les ennemis de l'islam et de la da'wah de la sunna, ils font tout leur possible pour salir le nom de la personne qui appelle à ce chemin. Pourquoi? Parce que s'ils critiquent ce à quoi ils appellent, ils n'ont pas de preuves. Les preuves, elles sont plus fortes qu'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils vont critiquer ceux à quoi ils appellent. Quand ils n'arrivent pas, ils vont critiquer les intentions de cette personne. Oui, mais ses intentions, elles sont mauvaises. Vous savez pas. C'est quelqu'un qui a des mauvaises mœurs. Moi, je le connais. Comme il a fait qui? L'oncle du prophète, alayhi salam. Son oncle, il faisait ça. Il le suivait. Quand le prophète, alayhi salam, il appelle les gens à Mina. Son oncle, il venait derrière. Kadhab. On le connaît, c'est mon neveu. Qu'est-ce que tu racontes? Vous le connaissez pas. Moi, je le connais bien, je connais des choses que vous connaissez pas. Et il mentait sur lui. Comme ça, à cette époque et à toute époque. Quand quelqu'un veut faire la da'wah et la sunna et la tawhid sur l'unicité d'Allah, sur la sunna, qu'est-ce qui se passe? On veut salir son nom. Comme on peut pas salir l'appel à quoi il appelle, parce que c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on va salir son nom, on va lui faire forger des histoires sur lui. On va dire qu'il a des mauvaises intentions pour que les gens, ils s'écartent de lui. Mais Allah ne veut que compléter sa lumière, subhanahu wa ta'ala, et sa religion. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. La personne qui appelle au haqq, Allah ta'ala, il fait que dans le cœur des gens, il y a l'amour. Ces gens-là, ils l'aiment. Et pourquoi ils l'aiment? Parce qu'Allah l'aime. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril. Il dit, je l'aime, alors aime-le. Wa Jibril, yunadi fi ahli sama. Allah aime cette personne, aimez-le. Et cette personne, elle est aimée dans les gens des cieux, et les salihin, pas tout le monde, bien sûr. Le fasiq, il n'aime pas le salih, le da'iya. Mais les gens pieux, ils aiment cette personne. Et les gens qui sont à la fitra salima, ils aiment cette personne. Le prédicateur, il ne faut pas qu'il soit touché par ce qu'on dit sur lui. Il faut qu'il continue. Tant qu'il sait qu'il a une bonne intention, tant qu'il sait qu'il est sur le bon chemin, il faut qu'il supporte. Même si on le critique. Il ne faut pas qu'il désespère, qu'il se décourage. Oh, mais regardez, ils m'ont critiqué. Ils ont parlé sur mon honneur, ils ont parlé sur moi. N'avez-vous pas entendu tout ce qu'on a fait des prophètes, alayhi salam? Ibrahim, ils l'ont mis tout nu, alayhi salam, tout nu, devant tout le monde. Et ils l'ont jeté dans le feu. T'imagines, un prophète, la honte, la pudeur. Quand quelqu'un t'humilie, tu mets tout nu devant tout le monde, ça t'humilie. Mais lui, il a supporté ça pour Allah. Le premier qui sera habillé le jour du jugement dernier, c'est Ibrahim, alayhi salam. Parce qu'il a supporté ça pour Allah. Non. Et Allah Ta'ala, il a dit que vous allez entendre de ceux qui ont reçu les livres parmi vous, avant vous, et des associateurs, beaucoup de méfaits. Ils vont parler, c'est normal. Ils vont te traiter de tous les noms. Arriéré. Comment ça, tu veux nous faire pratiquer une religion des bédouins qui étaient dans le désert au Moyen-Âge, là? Ça va pas à la tête, 6e siècle. C'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Ils vont traiter d'arriéré, ils vont traiter d'extrémiste, intégriste, islamiste, tout ce qui finit en iste, la famille des istes. Voilà qui est le musulman, il patiente, barakallahu fik, et il montre la vérité de l'islam, pratique l'islam dans sa vie, dans ses mu'amalat, dans ses interactions, dans tout. Il patiente, il répond de la meilleure manière. C'est ça que le prophète, alayhi salatu wasalam, il faisait quand il était à Mecca. T'as pas la quwwa, t'as pas la force de répondre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu patientes et tu réponds de la meilleure manière. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. De même, la personne, il faut qu'il aille lui-même chercher la vérité. Peut-être celui qui te rapporte les paroles, il va mal la rapporter. Ou bien il ne mémorise pas bien. Il oublie. Ou bien il se trompe. Ou bien il ment. Malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup. J'ai entendu dire, on m'a dit, l'autre il dit que l'autre il a dit que Cheikh Tel a dit. Des oui dire. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. Il suffit à quelqu'un pour être menteur de répéter tout ce qu'il entend. Donc la personne, il fasse attention à ce qu'il dit. Et surtout dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il rapporte. Surtout si ce qu'il rapporte ça a à voir avec la religion. Ou bien ça parle des ulama. Car la viande des ulama, elle est empoisonnée. Non. On voit aussi la sagesse d'Abu Dharr. Il a attendu, il a utilisé la sagesse, il n'a pas demandé tout de suite où est le Mohammed, c'est qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est où. De même Ali, on voit que Ali, il était vigilant et cherchait à savoir ce qui se passait à la Mecque. Tout ce qui se passait, il allait rapporter au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait que 12 ans. 12 ans, regardez cette maturité, radiallahu anhu. Quand Ali, radiallahu anhu, a été voir Abu Dharr, il a utilisé le sous-entendu. Il ne lui a pas parlé directement. Il lui a parlé par sous-entendu. Est-ce qu'il n'est pas venu le moment de savoir ce que tu veux? Il lui a pas dit directement, dis-moi pourquoi t'es venu, pour voir qu'est-ce qu'il allait répondre. S'il demandait après le prophète, alayhi salatu wassalam, là il allait le diriger. De même aussi, qu'il a été très vigilant, il a dit, attention, tu marches derrière moi. Si j'ai peur pour toi, je m'arrête, je fais comme si je faisais mes lacets. Et dès que je me lève, je continue, tu me suis. Non. On voit dans cette histoire aussi que quand tu veux connaître la vérité, tu peux demander à la personne l'ahda wal mithaq, qu'il jure ou qu'il te donne la promesse. Quand tu vas dire à quelqu'un, dis-moi la vérité, je te demande par Allah, je prends un pacte avec toi que tu me dises la vérité. C'est pas comme si tu lui dis, hey, raconte-moi, dis-moi la vérité. Quand tu vas lui dire, je prends un pacte avec toi de dire la vérité ou je te demande par Allah, il va faire attention, il va bien réfléchir à ce qu'il dit. Donc ça, c'est une bonne méthode pour être sûr. Comme ça, la personne qui craint un minimum Allah, tu vas lui faire le rappel. Il peut avoir peur, se dire, si Shaitan lui a dit, tiens, rajoute quelque chose, enlève quelque chose, il va avoir peur, il va faire attention de ne dire que la vérité, car tu lui as rappelé Allah tabaraka wa ta'ala. On voit dans cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux avec ses compagnons. Il pensait à leur bien. Il n'a pas dit à Abu Dharr, vas-y. Il lui a facilité. Il lui a dit, n'annonce pas à Mecca. C'est pas grave, tu n'es pas obligé d'annoncer à Mecca. Retourne dans ton peuple et appelle les gens dans ton peuple. Donc, il a pensé à son bien pour pas qu'il ne se fasse maltraiter. Quand Abu Dharr est rentré en islam, Abu Bakr al-Siddiq l'a invité chez lui, il lui a proposé à manger. Et ça, c'est important que nous aussi, barakallahu fikoum, quand on connaît des convertis, on les invite chez nous. Un jour, lui, il invite, un jour, l'autre, il l'invite, un jour, l'autre, il l'invite. Il va se sentir comme une famille, qu'il a des frères, des gens qui s'occupent de lui. Malasaf, aujourd'hui, ici, nous, en France, tellement il y a des convertis, on fait même plus attention à eux. On les laisse tout seuls. Ils ne trouvent pas chez leurs frères musulmans des gens qui s'occupent d'eux, qui les aident quand ils ont des difficultés. Et ça, des fois, il y en a, malheureusement, ils faiblissent, ils peuvent même laisser l'islam, il y a le tête d'aune. Ça fait partie de notre responsabilité de s'occuper des nouveaux musulmans. Barakallahu fikoum, de les inviter, de voir leur situation. S'ils ont besoin même d'une aide financière, on les aide. Tellement il y a de convertis, on ne fait plus attention. Ah, t'es converti, c'est bien. Allez, salam alaykoum. On le laisse tout seul, il a des problèmes, il n'a pas de problème. Sa famille l'ont mis dehors, ou ils ne l'ont pas mis dehors, ou il n'arrive pas à jeûner Ramadan, ou il arrive à jeûner, il n'arrive pas à faire ses prières. Personne ne se soucie de lui. On va rendre des comptes sur ça, barakallahu fikoum. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait beaucoup d'importance à envoyer des prédicateurs partout. Il ne demandait pas à tout le monde de rester avec lui. Mais quand il venait entrer en islam, il dit « Retourne dans ton peuple, appelle à l'islam. » Abu Dharr, la moitié de son peuple, ils sont entrés en islam. Tufayl al-Dawsi, il est retourné, il a fait da'wah, il a ramené Abu Huraira et une partie de son peuple. 80 de son peuple, ils sont entrés en islam. 80. Parmi ces 80-là, il a ramené Abu Huraira, radiyallahu anhu. Les gens qui apprennent la religion dans les universités islamiques, dans les pays musulmans, ils apprennent, après ils restent là-bas. Si tout le monde fait ça, qui va revenir ici enseigner aux gens? La majorité des pays qui sont entrés en islam, c'est pas par les batailles. Certaines sont entrées avec des batailles, et certaines d'autres, elles sont entrées avec des commerçants, des gens qui étaient en Inde, des gens qui étaient en Indonésie. Qui faisaient du commerce, ils faisaient de la da'wa. Ils montraient qu'est-ce que c'est l'islam. Ils appelaient les gens à l'islam par leur comportement, moralité, par leurs paroles, partout. Partout où tu es un représentant de l'islam, barakallahu fik. Na'am. On voit dans cette histoire le courage et la détermination de Abu Dharr al-Ghifari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la permission de ne pas annoncer l'islam à la Mecque, mais lui, il a préféré prendre l'ordre au sérieux et avec force. Comme il a dit Ibn Hajar al-Asqalani, si la personne, elle risque sa vie ou elle risque sa santé quand elle va annoncer quelque chose parmi les paroles de vérité ou l'islam, est-ce qu'il le fait ou non? Il a dit ça, on regarde la maslaha, l'utilité. S'il y a une utilité pour l'islam et les musulmans, il peut le faire. Comme par exemple, faire montrer aux gens qui n'aiment pas l'islam que quoi que vous fassiez, ça ne nous faiblira jamais. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas éteindre cette lumière. Ils vont voir, subhanallah, quoi qu'on fasse, ces gens-là, ils faiblissent pas. Alors eux, ils faiblissent. Par contre, quand les ennemis de l'islam, ils utilisent des moyens pour nous affaiblir, pour nous faire peur, et nous, on a tous faibles, on a tous peur, ils vont dire, ça marche, on va continuer jusqu'à qu'ils arrêtent. Et dans barakallahu fikoum, des fois, c'est une bonne chose de montrer que quoi que vous fassiez, nous, on reste ferme sur notre religion. On ne faiblit pas. Ça, c'est ça qui va montrer que ça sert à rien de nous combattre, mais plutôt il faut essayer de discuter avec nous et de travailler ensemble. Mais quand nous, on va faiblir sous les pressions, quand les pressions elles sont faites de force et on faiblit, c'est un mal pour l'islam. C'est un message qu'on envoie, continuez ainsi, vous réussissez. Ça marche. La personne, il faut qu'il soit ferme et qu'il ne réponde pas aux pressions. Qu'il ne faiblisse pas face aux pressions. Barakallahu fikoum. Et qu'il reste ferme sur les ordres de sa religion. On voit aussi que dans cette histoire que les gens dotés de raison, c'est eux qui profitent. Mais les gens qui suivent, les conformistes, ils suivent le groupe. Tout ce que tout le monde fait, je fais pareil. C'est juste qu'ils ont une pensée consommée. Des consommateurs d'idées. Ils ont pas, c'est pas des gens qui font l'effort de chercher la vérité ou cherchent le haqq ou ils font un effort. La abadan, ils suivent le groupe. Le groupe, il va en enfer, je vais en enfer avec eux. Il va au paradis, je vais au paradis. C'est pas mon problème. Il suit la majorité. Bon, la majorité, malheureusement, ils sont pas dans la vérité. Allah Ta'ala dit, si tu obéis à la majorité des gens de la terre, des gens sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Et très peu parmi les serviteurs sont reconnaissants. Donc, dans le Coran et les hadiths, il est prouvé que ceux qui sont à la haqq, c'est toujours une minorité. C'est pas la majorité. Donc, ne crois pas que la vérité, elle est avec la majorité. La vérité, elle est ni avec la majorité, ni avec la minorité. La vérité est dans le Coran, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la parole du prophète, alayhi salatu wa salam, et dans les compréhensions et les pratiques des sahabat al-kiram, radiyallahu anhum. On voit aussi que les gens qui ne croient pas en Allah au jour dernier, la seule chose qui peut les arrêter, c'est quand ils ont peur de perdre leur dunya, leur matériel. Al-Abbas a réussi à les arrêter quand il tapait Abu Dharr al-Ghifari. Il a dit, attention, vos commerçants, ils passent par la tribu de Rifar. Votre commerce, ils vont en pâtir. Donc la seule chose qui fait comprendre aux gens qui ne croient pas en Allah au jour dernier, qui peut les faire arrêter, c'est la peur de perdre leur matériel. Quand ils ont peur de perdre le matériel, là, ils écoutent. Leur chaise, leur poste, l'argent, ils écoutent. Mais tant qu'il n'y a pas tout ça, ils n'écoutent pas. À toute époque, ça a toujours été comme ça. Non. On voit que même le jeune homme, même les enfants, ils peuvent avoir un rôle important dans l'appel à l'islam et dans le travail pour l'islam, comme Ali ibn Abi Talib. Il n'avait que 12 ans. Et regardez, subhanallah, le rôle qu'il a eu dans l'islam de Abu Dharr al-Ghifari. Et dernier point, il y a certains non-croyants qui ont un fond sain. Et après, ça les pousse à accepter l'islam. Regardez Abu Dharr al-Ghifari. Il était mécréant. Mais subhanallah, pendant 3 ans, il adorait Allah. Unique. Comme ça, il savait pas. Comme ça, saine nature. Personne lui a rien dit. Personne lui a expliqué. De lui-même. Et il a entendu parler du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Aslam fil hal. Il est entré en islam directement. Il a écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré en islam direct. Et aujourd'hui, subhanallah, mashallah, il y a beaucoup de bahithoun aussi, des chercheurs, des gens qui cherchent la vérité, ou même des gens simples, mais qui ont un fond pur, qui sont encore sur la scène naturelle, al-fitra, que ce soit dans ce pays ou dans d'autres pays, dans n'importe quel pays du monde. Il y a, mashallah, beaucoup de gens comme ça. Quand ces gens-là, alhamdulillah, ils cherchent la vérité, ils ont un bon fond, alors, quand ils entendent parler du vrai message de l'islam, ils acceptent l'islam directement. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'image de l'islam, elle est salie, trompée. Donc, beaucoup de gens, même qui chercheraient la vérité, ils y voient pas clair, ils sont dans le brouillard. Donc, notre devoir, barakallahu fikoum à nous, c'est d'écarter ce brouillard-là. Comment ? En appliquant l'islam dans notre vie. La meilleure da'wah, c'est la pratique. Que tu pratiques l'islam dans ta vie. Tous les ordres. Les ordres apparents, les ordres cachés. Les ordres dans les adorations, les ordres dans les relations, les ordres dans le travail, les ordres dans le tijara, dans le commerce. Dans toute chose, pratique leur l'islam. Tu seras un exemple. Les gens, ils vont voir. Subhanallah. Il y a un frère qui m'a informé que, à un certain endroit, qui est très sécurisé, ils ne voulaient plus accepter des barbus, comme ils disent. Mais ils ont vu que c'est les seuls qui ne volent pas et qui font leur travail proprement. Donc, alhamdulillah, maintenant, ils ont changé leur politique. Ils cherchent que des barbus. Ils ont dit, subhanallah, ils travaillent, ils cassent pas la tête, ils écoutent les ordres, et ils demandent juste qu'il fasse sa prière. Hein, qu'il fasse sa prière, ça prend 5 minutes. Et ils volent pas, parce qu'ils ont un gros problème de vol dans ces endroits-là. Il y a des choses de grande valeur qui passent dans ces endroits-là, et les autres, ils volent. Non. Ça, c'est la da'wa. Nas'Allah yuwaffiqna jami'an lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa barakallahu fikum. Wa qul rabbi zidni ilma.